C'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Le Salon Noir plonge aujourd'hui dans nos lointaines origines, celles où nous étions ni hommes ni singes. Cette quête des origines est l'œuvre des anthropologues, ou plutôt des paléoanthropologues, qui, de toute nation, œuvrent en Afrique à la recherche du berceau de l'humanité. Entre Afrique de l'Est et du Sud, mais aussi Tchad, celui-ci évolue au gré des découvertes. L'abbé Breuil ne s'y trompait pas en disant que ce berceau était à roulettes. Pour faire le point sur ce thème, un grand colloque vient de s'achever samedi dernier à Toulouse. Pour en parler, José Braga, Laurent Bruxelles, bonjour. Bonjour. Bonjour. En duplex et en direct de France Bleu Toulouse, José Braga, vous êtes anthropobiologiste, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse et fouillé en Afrique du Sud, géomorphologue. Laurent Bruxelles, vous êtes le grand spécialiste des karstes à l'INRAP. Vos terrains sont tant français qu'éthiopiens ou sud-africains. À lire les publications scientifiques, on entrevoit que les gisements de l'Afrique australe sont exceptionnels. Sterkfontein, Kromdraai, Blombo, Stang, dont les noms font souffrir les étudiants, mais aussi les journalistes, sont le paradis pour les paléoanthropologues, José Braga. Oui, absolument. Ces régions, en fait, enferment l'écrasante majorité des vestiges fossiles de nos ancêtres pour tout le continent africain. Mais il y a quand même d'autres régions. Je pense à l'Afrique de l'Est, où de très, très, très grands fossiles étaient présents. Oui, tout à fait. Mais l'Afrique du Sud présente une originalité particulière parce qu'elle fonctionne, elle a fonctionné, et Laurent vous en dira beaucoup plus tout à l'heure, comme un piège qui a conservé non seulement des fragments de ces individus qui vivaient il y a plusieurs millions d'années, mais souvent, de plus en plus souvent maintenant, de grandes parties de l'ensemble de leurs... Alors deux mots peut-être... Ce n'est pas le cas en Afrique de l'Est, pardon. Peut-être deux mots aussi sur votre colloque, un grand colloque totalement international, avec des grandes vedettes dont nous reparlerons sûrement, Ron Clark, mais aussi une représentante de la famille Likey, kényane, extrêmement célèbre, trois générations de paléoanthropologues étaient là. Tout à fait, nous avons eu le plaisir d'accueillir à Toulouse et d'honorer Mive Likey, et son époux, Richard Likey, qui sont les grands découvreurs de très nombreux fossiles au Kenya depuis plusieurs décennies. Et Mive et Richard ont découvert notamment le squelette humain, je dis bien humain, le plus ancien connu à l'heure actuelle, qui a été découvert sur les berges du lac Turkana et qui date de 1,8 million d'années. Ils sont également les inventeurs de plusieurs espèces fossiles de préhumains. On les appelle les australopithèques. Il y a 90 ans, le premier représentant non humain de la lignée humaine fut découvert à Tong, justement au cœur de l'Afrique du Sud. Oui, Tong se situe dans la région de Kimberley, donc tout à fait au cœur de l'Afrique du Sud, dans une région où on n'a pas trouvé depuis de nouveaux australopithèques. Par contre, un peu plus au nord, plus exactement au nord-est, dans la région du Transvaal, que l'on appelle maintenant le Gauteng, la région de Sterkfontein, eh bien de très nombreux vestiges ont été découverts depuis 1936. Alors Tong, revenons-en peut-être un peu à ce fossile. C'est le premier fossile découvert en Afrique du Sud. C'est un moment extrêmement important. Je ne me souviens plus trop de la date, je dirais 1924, c'est ça? Vous avez parfaitement raison, 1924. Et en 1924, cet enfant de Tong, parce qu'il s'agit en fait du crâne d'un enfant, a posé beaucoup de problèmes aux paléoanthropologues de l'époque, aux paléontologues de l'époque, tout simplement, parce qu'il s'agissait d'un enfant. Or, le fait de disposer seulement, si j'ose dire, d'un squelette d'enfant, eh bien, ne permettait pas d'avoir une image suffisamment complète de l'évolution des préhumains. À cette époque-là, on préférait de loin disposer de squelettes d'adultes. Depuis, on a changé notre fusil d'épaule Pourquoi ? Eh bien parce que disposer d'enfants apporte également beaucoup d'informations sur l'évolution de l'homme. Vous faites de l'oxologie là, mais je crois qu'on en reparlera. Toujours est-il que depuis l'abbé Breuil et la Deuxième Guerre mondiale, les liens entre chercheurs sud-africains et français sont très forts et il y a de très nombreuses collaborations, justement sur ce côté préhistoire et anthropologie. Oui, dans bien des domaines de l'étude de nos ancêtres, qui est en fait, cette étude, elle mobilise en fait des compétences qui sont très variées, depuis la géologie avec les spécialistes des paysages, les spécialistes des dépôts et des roches qui renferment ces fossiles, jusqu'aux spécialistes des os et des dents, en passant bien sûr par nos amis archéologues qui, eux, s'intéressent aux objets fabriqués par nos ancêtres. Et donc, notamment depuis le milieu des années 90, et la chute de l'apartheid, en fait, les collaborations entre la France et l'Afrique du Sud ont été sérieusement réactivées à la suite de la signature d'un accord entre le Collège de France et le professeur Coppens et nos amis sud-africains. Il faut dire que durant l'apartheid, les archéologues et les anthropologues sud-africains ont totalement été boycottés par la communauté internationale. C'est bien ça ? Oui, absolument. Ce qui a limité, bien entendu, les recherches en Afrique du Sud. Et c'est la raison pour laquelle on voit depuis maintenant deux décennies eh bien, ces recherches en Afrique du Sud renaître d'une certaine manière et connaître de nouvelles péripéties. Et de nouvelles avancées, visiblement. Il y a énormément de publications anthropologiques actuellement et préhistoriques, actuellement justement en Afrique du Sud. José Braga, peut-être une question un peu délicate. Quelle est la place de ces fossiles, humains ou préhumains, ou de cette archéologie, dans l'identité sud-africaine aujourd'hui ? Il faut avouer que nos amis sud-africains sont particulièrement fiers, et je pense que c'est le cas également pour nos amis d'Afrique de l'Est, de vivre dans une région où on pense effectivement, à juste titre d'ailleurs, que nos ancêtres sont originaires. Et donc leur place, elle est prépondérante. Il faut bien voir que par exemple, le moulage d'un squelette d'Australopithèque, d'un crâne d'Australopithèque extrêmement connu que l'on appelle Madame Pless, qui est un crâne d'Australopithèque découvert sur le site de Sterkfontein dans les années 40, eh bien, ce moulage trône dans la plupart des écoles sud-africaines. Et donc, ces découvertes de fossiles sont particulièrement importantes aux yeux non seulement des Sud-Africains, mais aussi de ceux qui les gouvernent. Et pourquoi justement cette Mrs. Place spécialement dans les écoles ? Pourquoi ce choix ? Il y en a de très nombreux. Ce choix, oui, tout à fait. Il est très complet ? Exactement. C'est le crâne d'Australopithèque le plus complet qui a été découvert en Afrique du Sud, donc en 1947. Avant 1947 et depuis 1936, on trouvait des fragments d'Australopithèque adultes, donc après la découverte de Taung, mais ces crânes et ces morceaux de squelette n'étaient pas aussi complets que ceux de Madame Place. Et puis je crois que même le drapeau représente quelque chose de plus ou moins archéologique, le drapeau sud-africain. Oui, on parle à propos du drapeau sud-africain et à propos de l'Afrique du Sud, tout simplement de la nation arc-en-ciel. Et ce drapeau est très coloré, comme vous le savez. Et cette nation arc-en-ciel, en fait, elle est simplement le résultat d'une très grande diversité au niveau des ethnies qui vivent en Afrique du Sud et qui, en fait, sont le témoignage d'une histoire très complète qui plonge dans le temps jusqu'à il y a 200 000 ans. Mais là, c'est une autre histoire. Nous parlons de l'origine d'Homo sapiens. Aujourd'hui, nous en sommes à parler de l'origine de notre genre, qui a connu plusieurs espèces dont nous sommes, nous, Homo sapiens, les derniers représentants à l'heure actuelle. Laurent Bruxelles, vous êtes géomorphologue et œuvrez en France. Comment êtes-vous arrivé dans ces terres australes ? Par hasard ? Un petit peu par hasard, et puis en même temps, puisque c'était un sujet qui m'intéressait depuis longtemps, c'est-à-dire que je suis géomorphologue, je suis spécialiste donc de l'histoire des paysages, leur formation, l'expliquant notamment par la géologie, mais aussi par tous les facteurs climatiques et autres. Et je suis aussi spéléologue, donc ça faisait longtemps que j'étais dans les grottes et que j'y travaillais. Je voulais comprendre comment fonctionnaient les grottes. Et c'est parce que les Sud-Africains ont entendu parler de ce que je faisais, de mes recherches dans les grottes, et parce qu'eux avaient des gros problèmes liés à l'étude de ces grottes, qu'ils ont pensé à moi et qu'ils m'ont fait venir en Afrique du Sud pour la première fois en 2007. Donc vous êtes descendu à Sterkfontein, par exemple ? Ben oui, oui. À peine l'avion posé, je suis descendu effectivement à Sterkfontein, croyant d'ailleurs trouver peut-être quelque chose de relativement simple, puisque nous on a l'habitude des karsts, pardon, en se disant que bien, effectivement, on saurait répondre peut-être assez facilement aux questions. Et puis, comme le disait José, les chercheurs sud-africains ont un bon niveau, sont de vraies collaborations scientifiques. Et en fait, s'ils avaient des problèmes, c'est qu'il y avait des raisons. Et ce sont effectivement des karsts, donc des cavités, des grottes très très complexes. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on en avait au moins pour 10 ans. Est-ce que vous êtes allé dans les grottes que je citais, Kromdraai, Blombos, Blombos qui est une grotte un petit peu tardive, mais dans laquelle on a fait des découvertes absolument très spectaculaires aussi? Alors Blombos, non, pas encore. Kromdraai, oui, puisqu'on y travaille avec José très régulièrement. Et là, c'est carrément un site qui est en pleine évolution, puisque la fouille est repartie de plus belle, avec de belles découvertes réalisées et à venir. Donc là, on est en plein dans l'actualité. José Braga, vous êtes anthropobiologiste et non pas paléo-anthropologue. Il y a quelques fines subtilités au travers de cette dénomination? Oui, une très légère différence. Les paléo-anthropologues sont des paléontologues, c'est-à-dire qu'ils concentrent l'essentiel de leurs efforts sur l'étude des vestiges fossiles. Et bien sûr, pour pouvoir interpréter ces vestiges fossiles, font appel à l'anatomie d'espèces actuelles. Alors que les anthropobiologistes, eux, s'intéressent bien sûr à l'histoire de l'humanité, mais pas seulement à son histoire. Ils s'intéressent également à sa diversité actuelle, qu'il s'agisse de la diversité des os et des dents ou de toute autre région anatomique ou partie anatomique de l'homme actuel. Ils s'intéressent également à la diversité génétique de l'humanité actuelle. Et je pense que ce regard croisé entre la génétique et l'anatomie nous permet de manipuler des concepts peut-être encore plus nombreux qui vont nous permettre aussi d'interpréter d'une autre manière notre évolution et d'interpréter différemment les vestiges fossiles auxquels nous avons affaire. José Braga, hormis le Tchad, deux grandes régions lisent des fossiles, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Pourquoi là précisément? Pourquoi pas dans l'Afrique forestière? Oui, alors justement, il faut toujours que les conditions à la fois de conservation des vestiges fossiles, mais aussi les conditions d'accès au terrain soient remplies pour pouvoir trouver des vestiges fossiles. En Afrique du Sud, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, nous trouvons les fossiles dans des karsts, dans des grottes souterraines, plus ou moins bien conservées, mais les fossiles ont été conservés dans ces écrins de roches, alors qu'en Afrique de l'Est, les fossiles sont trouvés tout simplement en marchant et en ramassant ces vestiges fossiles sur le sol, parce qu'ils sont dégagés grâce à un allié très précieux. Cet allié, c'est l'érosion. Cette érosion qui dégage les fossiles à la suite des pluies, par exemple. Mais pour que l'érosion puisse survenir, eh bien, il faut que le couvert végétal soit assez réduit. Lorsqu'on se trouve dans un milieu forestier, les choses sont bien différentes. Il est à la fois difficile de progresser dans ces régions pour trouver facilement des fossiles sur de grands espaces totalement dépourvus de couvert végétal. Et il faut aussi que l'absence de couvert végétal ou la quasi-absence de couvert végétal favorise l'érosion, ce qui n'est pas le cas dans la grande forêt primaire du centre de l'Afrique, par exemple. José Braga, l'actualité anthropologique de l'Afrique du Sud, c'est bien entendu un fossile exceptionnel fouillé par Ron Clark et qui se dénomme Littlefoot. Oui, Ron travaille sur le squelette de Littlefoot depuis 1994, si je ne me trompe pas. Laurent fait un signe de la tête, donc j'ai sa confirmation. Et Ron, en fait, a trouvé les premiers éléments du squelette de Littlefoot dans une boîte. Dans une boîte à Sterkfontein, en 1994. Une boîte qui avait été laissée là par ses prédécesseurs à Sterkfontein depuis les années 20. Et ils avaient en fait collecté des os de fossiles de tout à fait autre chose que des préhumains. Par exemple, des cochons fossiles, des bovidés fossiles, des bœufs fossiles. Et penser que les os qui se trouvaient dans cette boîte étaient ceux d'animaux. Alors qu'en fait, Ron a pour la première fois identifié ses os de pied comme étant ceux d'un préhumain, d'un australopithèque. Et en constatant une cassure relativement fraîche datant des années 20, il a cherché à retrouver l'élément qui correspondait à cette cassure directement dans la grotte, pensant que peut-être d'autres éléments du squelette étaient présents. Et là, bingo, il a effectivement trouvé ce squelette et a commencé en fouillant, à remonter le long des deux jambes de Littlefoot avant d'arriver jusqu'au sommet de son crâne. Et nous en sommes maintenant Nous avons affaire à un squelette quasiment complet que Rome étudie avec beaucoup de talent. Laurent Bruxelles, vous avez récemment étudié son contexte. Ce que vous avez fait, c'est de relancer ce fossile dans la course des ancêtres potentiels de la grande lignée humaine. Oui, une des demandes justement de Ron Clark lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud, c'était de l'aider à dater, à donner l'âge donc, de ce fossile. Et donc, il a fallu mais reprendre tout un travail d'ensemble, que ce soit à l'échelle du paysage, de la vallée, des collines, donc à quelle vitesse le paysage se formait, mais aussi l'histoire des grottes et de leur remplissage. Et notamment dans la grotte, eh bien, il a fallu remettre sur pied toute la succession des couches dans lesquelles étaient présentes ces fossiles. Et une fois qu'on a remis un peu tout ça dans l'ordre, eh bien, d'essayer de le dater. Voilà. Et donc là, actuellement, ce qu'on a réussi à faire, c'est déjà à avoir une stratigraphie complète, à montrer que Littlefoot se situe dans les parties les plus basses de la grotte, donc les plus anciennes, et à montrer aussi que certaines études qui avaient été faites un peu plus récemment et qui le dataient à 2 millions d'années, donc qui le rajeunissaient énormément par rapport aux estimations initiales de Ron Clark, eh bien, n'étaient pas fondées. Et donc, du coup, on replace Littlefoot actuellement eh bien, dans la gamme des 3 millions, 3 millions 5, donc au moins un contemporain de Lucy, ce qui est tout à fait en accord avec sa morphologie, mais aussi avec la présence d'autres fossiles autour de lui dans le même niveau sédimentaire. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. José Braga, vous dirigez une mission française en Afrique du Sud. Votre terrain, Cromdraai B, c'est bien ça? C'est encore oui, imprononçable. Oui, tout à fait. Cromdraai B, oui. Tout à l'heure, vous disiez que les étudiants et les auditeurs souffrent, effectivement. Mais nous, dès le départ, nous avons aussi souffert en prononçant ces noms qui sont, en fait, Cromdraai signifie petite route sinueuse en Afrikaans. Un très beau terrain, j'imagine, des fossiles. Vous en avez trouvé combien? Et comment, alors, cette fait-on année, d'ailleurs, comment fait-on d'ailleurs pour trouver ces fossiles? Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de flair. Pourquoi ce choix? Oh, c'est très simple. Je m'appuie sur les compétences et le talent de Laurent et de nos amis géologues qui lisent comme dans un grand livre ouvert dans les terrains sédimentaires qui se trouvent dans cette région d'Afrique. Et ensuite, eh bien, c'est très simple. Il faut prendre quelques outils et commencer à gratter le sol, et si on a un peu de chance, si on est au bon endroit, et si nos amis géologues ont vu juste, eh bien, on peut effectivement trouver des fossiles. Alors les choses sont peut-être encore un petit peu plus simples en ce qui concerne l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que depuis les années 1920, depuis le début du XXe siècle en réalité, cette région d'Afrique a livré énormément d'or. C'est une région qui produisait entre un tiers et deux tiers de l'or mondial. Et pour pouvoir extraire cet or, eh bien, il était nécessaire d'avoir beaucoup de chaux. Et cette chaux était prélevée dans des grottes, notamment la grotte de Sterkfontein. Et c'est à cette occasion, lors de l'exploitation minière de ces régions, que l'on a trouvé les premiers australopithèques. En duplex et en direct de France Bleu Toulouse, pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle José Braga, Laurent Bruxelles, que vous êtes respectivement paléo-anthropologue, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse et géomorphologue, spécialiste des karstes à l'INRAP, que vous travaillez tous deux et avec des approches très différentes sur l'origine de notre lignée humaine en Afrique du Sud. José Braga, votre site n'est pas de n'importe lequel, c'est là que fut découvert et même décrit pour la première fois un fossile extrêmement important. Oui, Cromdraai est le site où furent découvertes pour la première fois les paranthropes. Alors les paranthropes sont des cousins éloignés de l'homme actuel et ce sont les enfants, comme nous le sommes nous-mêmes représentants du genre homo, ce sont les enfants des australopithèques. L'homme actuel, notre genre, c'est-à-dire même les premières espèces de notre genre, comme les paranthropes, sont nées quelque part en Afrique il y a 2,5 millions d'années, à partir des australopithèques. Et Cromdraai est le site qui a livré les tout premiers paranthropes en 1938. Alors combien de fossiles avez-vous et de quoi s'agit-il? Il y a bien sûr le paranthrope, Paranthropus robustus, d'après ce que j'ai lu, mais est-ce qu'il y a d'autres individus, éventuellement des australopithèques? Alors pour l'instant, à Cromdraai, nous avons des paranthropes. Nous avons également les tout premiers humains, avec quelques restes très fragmentaires de ces premiers humains qui vivaient à côté des paranthropes, mais occupaient une niche écologique différente il y a 2,5 millions d'années. Et puis ensuite, de très nombreux représentants d'autres espèces animales, avec en particulier, j'évoquais tout à l'heure les bovidés ou les cochons, mais aussi des babouins, par exemple, ou d'autres espèces. Nous cherchons à l'heure actuelle, dans les niveaux les plus anciens de Cromdraille, eh bien, les représentants de la phase précédente, c'est-à-dire les fameux australopithèques, dont Lucie, en Afrique de l'Est, ou Littlefoot, sont des représentants. Ces niveaux datent à peu près de quel âge ? Alors, ces niveaux à Australopithèque, eux, datent de périodes qui précèdent 2,5 millions d'années. Vos recherches portent sur l'origine des premiers humains entre 3 millions et 2 millions d'années, à partir de leurs ancêtres, bien sûr, Australopithèque. À cette époque, a-t-on un ou deux groupes d'hominidés nouveaux qui émergent des Australopithèques ? Eh bien, certainement deux groupes. Un groupe, donc les fameux paranthropes, et l'autre, c'est nous-mêmes. Ce sont nos ancêtres humains que l'on appelle à cette époque-là Homo habilis et que l'on voit apparaître en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud à partir de 2 millions et demi d'années. La question est de savoir ensuite quelle est de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique du Sud la région où, pour la première fois, émergent ces deux représentants qui vont ensuite certainement migrer d'une région à une autre. Et quelle est la différence anatomique entre un paranthropus et un Homo habilis ? Alors, cette question est très intéressante. En fait, les Homo habilis sont étonnamment, dès 2,5 millions d'années, plus proches morphologiquement de nous-mêmes, les Homo sapiens, que de leurs prédécesseurs, les Australopithèques, et très différents des paranthropes, en ce sens que les paranthropes, en fait, sont des animaux qui occupaient, comme je le disais tout à l'heure, une niche écologique très différente, et étaient des animaux qui consommaient essentiellement des végétaux très coriaces, très durs, donc avec une musculature du crâne très puissante, leur permettant de broyer avec leurs dents postérieures des végétaux très durs, alors que leurs dents antérieures, elles, étaient tout à fait petites. Donc avec un très très fort contraste entre les molaires du fond et les incisives de devant, et un massif facial extrêmement robuste, extrêmement proéminent. Est-ce déjà le moment où les premiers outils émergent de la pensée de nos lointains ancêtres ? Absolument. Pour l'instant, si on regarde les données les plus consensuelles à l'heure actuelle entre les archéologues et les paléoanthropologues, vous savez qu'un paléoanthropologue comme un archéologue, on le définit comme étant un spécialiste qui souvent est tout à fait en désaccord avec son voisin. Mais si on regarde ce qui fait consensus, eh bien on peut dire qu'à l'heure actuelle, coïncide avec l'émergence des paranthropes et des premiers humains, des premiers homos, l'émergence des premiers outils, mais aussi des changements climatiques majeurs qui surviennent entre 3 et 2,5 millions d'années. Donc il est fort possible qu'un jour, nous trouvions, si tant est que l'homme est bien né avec les paranthropes il y a 2,5 millions d'années, nous trouvions des outils peut-être qui seront plus anciens encore que cette date d'émergence. Pourquoi ? Parce que la date que nous vous donnons là avec Laurent, 2,5 millions d'années, est une date minimale. Nous sommes sûrs qu'à partir de 2,5 millions d'années, ces paranthropes et ces Homo habilis ont émergé, mais il est tout à fait possible qu'en réalité, même si nous ne les avons pas encore découverts, eh bien ces deux représentants des hominidés aient émergé quelques centaines de milliers d'années plus tôt, comme les outils d'ailleurs. Vous avez, vous, des outils à cette époque-là ? Nous avons des outils à Cromdraille qui sont légèrement plus récents que cette date-là, et avec quand même une petite réserve dans cette réponse, tout simplement parce qu'en Afrique du Sud, et Laurent vous en reparlera tout à l'heure, il est encore relativement difficile de dater les dépôts dans lesquels on trouve ces vestiges fossiles ou ces outils. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs en Afrique de l'Est. José Braga, deux mots aussi peut-être sur des fossiles très intéressants, à savoir des juvéniles qui permettent bien sûr de faire de l'ontogénèse, voire de l'oxologie, dirait Anne-Marie Tillier. Oui, tout à fait. L'ontogénèse, donc, c'est-à-dire l'étude de la manière dont les os, les dents et l'organisme tout entier se développent, apporte des informations décisives sur notre carte d'identité, notre carte d'identité d'humain. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on l'a tous appris à l'école, ce qui caractérise l'homme, c'est ce développement exagéré de la taille du cerveau adulte, cette capacité certainement à manipuler des objets pour fabriquer des outils de plus en plus complexes, mais aussi ce qui nous caractérise, nous humains, par rapport aux paranthropes, par rapport aux australopithèques, c'est un allongement de l'enfance, de la durée de l'enfance qui est particulièrement important. Nous consacrons beaucoup de temps à grandir, à devenir des adultes au plan physique. Et cette caractéristique est unique dans le monde animal et chez les primates. Elle est poussée à son paroxysme chez les humains par rapport non seulement aux australopithèques et aux paranthropes, mais par rapport à tout autre primate actuel. Laurent Bruxelles, une question toute simple, mais qui n'a rien d'évident. Pourquoi ces fossiles sont-ils là? Est-ce leur cadre de vie ou tout au contraire sont-ils arrivés là par, je dirais, des raisons de manière naturelle? Bien, disons qu'il y a deux paramètres. On était dans un paysage de savane arborée, donc il faut imaginer des grandes zones herbeuses. Et puis à l'entrée des grottes, eh bien des buissons, des arbres. On sait même qu'il y avait des lianes qui pendaient à l'intérieur, puisqu'on a retrouvé ces lianes piégées dans les sédiments de la grotte. Et là, tout autour de ces bosquets, entre guillemets, toute une vie, toute une faune était là autour et profitait de cet abri. Et donc les australopithèques étaient là, mais il y avait aussi des prédateurs. Donc il y avait des tigres à dents de sabre, il y avait des léopards, il y avait de la hyène aussi. Et donc bien souvent, bien les grottes servaient d'abri, de repère pour ces animaux. Et les australopithèques étaient chassés, donc c'était des proies. Et bien souvent, les ossements que l'on retrouve au fond des grottes ont des traces de dents, c'est-à-dire qu'ils ont été attrapés, ils ont été consommés. Et donc ils sont arrivés dans ces grottes un peu contre leur gré. Votre gisement est à 2 km de Sterkfontein. Laurent Bruxelles, vous avez fait une étude complète pour détecter ces cavités dans cette région ? Bien oui, de toute façon, on est obligé un petit peu, le sujet est assez complexe, donc à chaque fois, il a fallu reprendre un peu tout depuis le début, c'est-à-dire depuis l'histoire de la vallée qui va creuser dans les Dolomies, l'histoire de la formation de la grotte, de chaque grotte, sachant que les grottes que l'on étudie là-bas ont une très très longue histoire géologique puisqu'elle commence à se former il y a plus de 2 milliards d'années, donc vous voyez, dans une dolomie qui a 2,5 milliards d'années. Donc on reprend tout ça au début, on met en place donc la vallée, on met en place les grottes qui vont permettre de piéger les sédiments, et c'est comme ça que petit à petit on reconstitue le cadre du piège dans lequel les fossiles vont être préservés. Et puis ensuite, pour chaque grotte, eh bien on va étudier la succession des couches qui sont enregistrées dedans, sachant qu'on n'est pas comme en Afrique de l'Est avec des couches qui se déposent les unes sur les autres dans des formations de lacs ou de rivières. Mais on est là dans des grottes où, il faut imaginer, on est au pied d'une entrée verticale, un gouffre, et on a des espèces de talus, donc des sabliers, comme un sablier, vous voyez, avec des formations qui se superposent, mais qui de temps en temps s'emboîtent les unes dans les autres. Donc une très très grande complexité pour démêler tout ça. Et une fois qu'on a le cadre et qu'on a les couches successives les unes sur les autres, et bien là, cette fois-ci, il est possible de remettre les fossiles dans leur position relative, quels sont les plus vieux, quels sont les plus récents, ce qui est déjà un grand pas par rapport à ce que l'on connaissait avant. Et puis maintenant, eh bien, on va utiliser des objets particuliers dans chaque couche pour enfin avoir des datations absolues, c'est-à-dire savoir si on est à 3 millions, à 4 millions ou à 2 millions. Et c'est le point auquel on est maintenant, c'est-à-dire que maintenant qu'on a grosso modo compris un peu tout ça, eh bien, on commence à mettre des âges là-dedans. Et c'est là que ça devient intéressant. José Braga, Tchad, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, y a-t-il un foyer, un berceau ou des foyers ? Oh, probablement plusieurs foyers. Tout dépend de l'événement évolutif auquel on s'intéresse. En fait, tout ceci est relativement complexe puisque, comme on le disait tout à l'heure, plusieurs espèces, plusieurs lignées évolutives vont naître il y a depuis déjà plusieurs millions d'années. Les australopithèques, à un moment donné, probablement un peu avant 4 millions d'années. Ensuite, les paranthropes, il y a peut-être 2 millions et demi d'années ou avant. Et les premiers humains, dont nous parlions également tout à l'heure. Ces trois lignées sont peut-être nées dans trois foyers complètement différents. Et ces foyers, d'ailleurs, ne sont peut-être pas nécessairement l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est ou le Tchad, mais peut-être d'autres régions d'Afrique que nous n'avons pas encore identifiées. Donc, beaucoup de travail. José Braga, Laurent Bruxelles, merci beaucoup. La semaine prochaine, place à un pharaon, ni Ramsès, ni Toutankhamon, mais Sésostris III, bien entendu. Archéologia, partenaire du Salon Noir, vient de faire paraître son dernier numéro au sommaire. La Grèce des origines, les sanctuaires de la Gaule romaine, la fouille de la résidence de Charles Quint à Bruxelles, mais aussi l'origine des céramiques à glaçure du Vietnam, à lire donc dans le magazine Archéologia. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique, Pierrick Monsigny. Merci à l'équipe technique de France Bleu Toulouse et à Vincent Jacob, mais aussi à Christiane Placet. Attachée d'émission, Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.